En chinois, le mot pour dire ce, ceci, celui-ci est 这, doigt noir pointé vers le sol, 这, 这, pour ce, ceci, celui-ci. Ce vacancier éméché en djellaba a certainement fait la fête à djerba. C'est mon ami, ce, je, est, shi, mon, wo de, ami, pen, yo. Comment dites-vous ami? Pen, yo. Attention, c'est yao. Yo, pen, yo. Oui, pen, yo. Mon ami Johan était à la fois un as du ping-pong et du yoga. Mon pang, yo. Et maintenant, écoutons la phrase entière. C'est mon ami. 这是我的朋友. Maintenant, dites-moi, est-ce ton ami? C'est ton ami? Et littéralement, la question se dira, ce est ton ami? Alors dites d'abord, c'est. 这是 ton 你的 ami 朋友 et le mot interrogatif ma. Oui. Comment répondriez-vous oui? 是. Et comment répondriez-vous non, ce n'est pas mon ami? Alors, non? 不是. Est-ce ton ami? 这是你的朋友吗? Oui et non. 是,不是. Ce que vous répondez dans ce cas, c'est « est » ou « n'est pas ». On n'a pas besoin du sujet « il » parce qu'on sait déjà de qui il s'agit d'après le contexte. Donc, on ne fait que répéter le verbe ou le mettre à la forme négative. Et quand nous avons le mot « pou » devant un mot qui est aussi prononcé avec le doigt noir pointé vers le sol, on utilise le trampoline qui se dit « pou » dans le cas de ne pas être. Comment dites-vous « n'est pas » ?« 不是 ». Et donc, nous utilisons le trampoline pour sauter vers le ciel bleu avec le doigt bleu, et au lieu de dire « bu », on dit « bu », puis on redescend avec le doigt noir pointé vers le sol avec un mot comme « shi », « bu shi ». Donc, comment dites-vous « n'est pas » ?« 不是 ».« 不是 ». Dites-moi, ce n'est pas son ami. Ce « 这 » n'est pas 不是 ». Son ami, son 他的 ami 朋友 ce n'est pas son ami. 这不是他的朋友. Dans la question « est-ce son professeur ?», nous aurons une fois de plus l'affirmation « c'est son professeur ?» suivi d'un mot interrogatif. Donc, dites-moi ce. 这 est 是 son 他的 professeur 老师 et le mot interrogatif. Ma est-ce son professeur? 这是他的 老师吗? Non, c'est-à-dire ne pas être, n'est pas. 不是. C'est mon professeur. Ce. 这. Est. 是. Mon. 我的. Professeur. 老师。 Non, c'est mon professeur. 不是，这是我的老师。 Comment direz-vous ? Est-ce ton professeur de chinois ? Littéralement, ce est ton langue chinoise professeur plus le mot interrogatif. Alors dites d'abord ce. Que est Shi ton Ni de langue chinoise Zhong Wen professeur Lao Shi et le mot interrogatif Ma est-ce ton professeur de chinois? Zhe Shi Ni de Zhong Wen Lao Shi ma? Ce n'est pas mon professeur de chinois. Ce zhi n'est pas bu shi mon wo de langue chinoise zhong wen professeur lao shi. Comment dites-vous je wo? Bien, comment dites-vous mon? Ce n'est pas mon professeur de chinois. 这不是我的中文老师。 C'est ton professeur de français et le mien. C'est ton professeur et mon professeur de français. Alors, ce... 这 est... 是 Donc, c'est se dit. 这是 Et maintenant, nous allons vous expliquer ce qu'il se passe lorsque vous avez deux fois de à la suite. Dans le cas où vous avez deux mots indiquant la possession qui se suivent, comme ici, ton, ni de, et mon, wo de. Dans ce cas, nous ne dirons pas le premier de, car les Chinois ont le sens de l'économie. Donc, nous allons supprimer le premier de. Alors, comment direz-vous ton sans ajouter le de? Ni. Et. He. Mon. Et cette fois-ci, en gardant bien le de. Wo de. Langue française. Fa wen. Professeur. Lao shi. C'est ton professeur de français et le mien. Zhe shi ni he wo de lao shi. On vous comprendra aussi si vous dites Zhe shi ni de he wo de lao shi. C'est très bien, mais habituellement, on supprime le premier de. Pour « Est-ce ton professeur ?» On va dire « C'est ton professeur ?» plus le mot interrogatif. Donc, « ce » est « shi » ton « ni de » professeur « lao shi » et le mot interrogatif « ma » Est-ce ton professeur? 这是你的老师吗? Comment direz-vous? Je voudrais voir ton professeur maintenant, mais il ne peut pas me voir. Alors, je... 我 Maintenant... 现在 Vouloir, avoir envie de... 想 Voir ou rencontrer. Tien. Ton. Ni de. Professeur. Lao shi. Mais. Que shi. Il. Ta. Ne pas pouvoir. Bu neng. voir ou rencontrer. 见 me ou je. 我 Comment dites-vous pouvoir? 能 Oui, et comment dites-vous ne pas pouvoir? 不能 C'est ça, 不能 Je voudrais voir ton professeur maintenant, mais il ne peut pas me voir. 我现在想见你的老师，可是他不能见我。